Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Shtet peshan de dam, peywista away beke tsit pederem. Shtet peshan de dam, peywista away beke tsit pederem. Prenez. Fermu beba. Fermu beba. Donnez-moi les lunettes. Fermu aynagakanim bedea. Fermu aynagakanim bedea. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Fermu qaramakey dane le ser zarfakey. Fermu qaramakey dane le ser zarfakey. Retournez le verre puis prenez les ciseaux. Fermu pardakhakey warjera dwaya maqastakan baba. Fermu pardakhakey warjera dwaya maqastakan baba.